Pousser des cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour le Seigneur? Jésus. Alléluia. Yo. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Satan prend des histoires. Je t'ai réveillé. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Oh, Satan prend tes histoires. Je t'ai réveillé. Oh, je sais que le Seigneur a tout accompli. Il a tout accompli. Oh, il a tout accompli. Oh, Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Sur la croix de Golgotha. Tout accompli. Il a payé ma dette. Il a payé ta dette. Oh, Jésus a payé. Il a payé ma dette. Oh, Satan prend des histoires. Oh oui. Oh, Satan prend des bêtises. Bolingo yo yo yo bolingo ah. Masia bolingo yo yo yo bolingo ah. Masia bolingo bolingo bolingo bolingo bolingo ma bengo nanga. Masia bolingo yo yo yo bolingo ah. Oh Masia bolingo yo yo yo bolingo ma bengo nanga. Masia bolingo yo yo yo bolingo ah. Oh Masia bolingo bolingo bolingo bolingo bolingo ma bengo nanga. Yebisa bango, nakoma molongye. Yebisa bango, nakoma le premier. Yebisa bango, nakoma ya Yesu. Yebisa bango, nakoma le premier. Yebisa bango, nakoma molongye. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour le Seigneur? Alléluia! Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Tu peux bouger pour le roi des rois? On y va, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va, alléluia. Oh, Yebisa Bango, nakoma molongi, Yebisa Bango. Comme un molonier, et puis ça va bon. Comme un le premier, et puis ça va bon. Zalaya Yeshua, et puis ça va bon. Comme un molonier, et puis ça va bon. Et puis ça va bon. Et puis ça va bon. Et puis ça va bon. Et puis ça va bon. Et puis ça va bon. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour le Seigneur? que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que nous pouvons l'exprimer par nos cris de joie, nos acclamations? Alléluia. Amen, amen. Dimanche, c'est un culte de célébration où nous sommes en train de célébrer l'Éternel, nous sommes en train de louer l'Éternel, nous sommes en train d'adorer l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi, ces instants, j'aimerais que nous puissions prendre des bonnes positions ensemble, que nous puissions adorer maintenant l'Éternel. Nous voulons prendre un temps d'adoration. Nous voulons lui dire, Seigneur, tu es tellement bon, tu es tout pour moi, tu as fait tellement de grandes choses dans ma vie. Avant que nous ne puissions adorer, est-ce que nous pouvons changer notre disposition? Seul Dieu mérite d'être assis sur le trône éternellement. Est-ce que Asubui Aleo Tunezi Kwa Chabichi Tumutoe Mungu Sadaka Yama Abudu Tunezi Kwa Chabichi Matitra Yetu Tunezi Kwa Chabichi Magradi Yetu Tumashie Mungu Ekale Pakichi Kia Enzi. Même si vous êtes malade, est-ce que vous pouvez changer votre disposition? Même si vous êtes malade, est-ce que vous pouvez faire un mouvement que nous puissions laisser la place à Dieu? C'est notre Dieu, il mérite d'être adoré, d'être élevé, d'être célébré. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Oh Dieu. Oh Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a un cœur qui peut parler à Dieu? Il est là ce matin. Il est là ce matin. Alléluia. Okolo moko te Yesu nangai Bako benga yo enzeza Kiti na yo seko na seko Oko sende angote pa Moto ya ya Namona batoko futa mbongo Po bapote bango bako maba presida Ata ba renouvele manda Na desanza presidon se salakate Kasi oya ya bokosi Eza ke bande yeza kasuka Alo la mande ko zalate Mande tso ko zalate Po yo zalisa Na bobo Suki ya pepe Ko bimate Na moto yo Pembe kobi mate na moto na ye boaza sabe ya ya de la vie passeront. Mais Dieu reste Dieu. Raison de l'élever ce matin. Raison de l'adorer ce matin. Oui, lève tes regards vers le Seigneur. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bien-aimé. Shalom, Bakanissa Muzima. Alléluia. Amen. Depuis un temps, je sens dans mon cœur qu'il faut qu'on commence à lire un verset chaque dimanche. Ensemble, toute l'Église, c'est important de poser de vrais fondements. Alors, Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, je pense que vous connaissez cela. Nous pouvons nous mettre debout pour lire ensemble ce quelques versets. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Pourquoi je fais ça? Pour que chacun de nous comprenne certaines choses. Parce que prier ne suffit pas seulement crier et chasser les démons. C'est comprendre certaines choses quand on est dans la présence du Seigneur. Est-ce que nous pouvons y aller ensemble? 1, 2, 3. Ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai l'impression qu'on nous met deux versions à la fois. Est-ce que la technique peut nous mettre une seule version? Comme ça, nous savons tous suivre ensemble. Nous sommes dans le livre de Juges au chapitre 6. Verset 14. C'est notre thème, c'est notre verset de base, c'est notre texte de base, mais à travers ce texte, Dieu nous fait grâce de méditer toute la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. L'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, et lui dit. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Père, nous voulons recommander la parole de ce matin. Nos cœurs ont besoin de ta parole. Au commencement était ta parole. Et la parole était avec toi. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement de toutes choses. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans ta parole. Donc ce qui existe, Jéhovah, existe à cause de ta parole. Et dans Hébreu, tu nous dis, ce fils est le reflet de la gloire, l'empreinte de ta personne. Et il soutient toutes choses. chose par ta parole puissante. Ta parole est à l'origine de toutes choses. Ta parole soutient toutes choses. Oh, c'est pourquoi ce matin, je le crois dans mon cœur, il y a des choses qui vont prendre naissance à cause de ta parole. Il y a des choses qui vont tenir et progresser à cause de ta parole. C'est pourquoi je la recommande entre tes mains. Je recommande nos cœurs. Non seulement que ta parole sera libérée, mais que nos cœurs soient préparés pour recevoir ta parole. Et je prie aussi et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Je prie dans cette salle. Je prie celui qui me suit à la télévision. Je prie pour celui qui m'écoute sur ces réseaux sociaux. Je brise tout esprit qui n'est pas de toi afin que la semence qui est ta parole puisse produire plusieurs grains dans sa vie. Merci Père. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. L'Éternel se tourna vers Gédéon. J'aimerais juste ce matin parler autour de cette phrase. L'Éternel se tourna vers lui. Il se tourna vers lui. Quand on se tourne vers quelqu'un, on lui montre son visage. Alléluia. Amen. Oh, je prie ce matin. Dieu te montrera sa face. Tu verras la face de Dieu dans ta vie. Tu verras la face de Dieu dans ta vie. Il y a longtemps que tu n'as pas vu la face de Dieu. Mais ce matin, tu verras la face de Dieu. Que Dieu fasse luire sa face sur toi. Alléluia. Amen. Quand on se tourne vers quelqu'un, on vient dans la direction de la personne. On porte attention à la personne. On se consacre à la personne. Quand on dit, mais maintenant il se tourne vers moi. C'est comme si avant il ne faisait plus attention à toi. Et à partir d'un moment donné, il commence à faire attention à toi. C'est comme s'il était loin de toi. Et il change de direction. Alléluia. Il y a quelque chose que je veux dire ce matin. Quand Dieu se tourne vers toi, c'est pour réécrire une nouvelle histoire pour toi et pour ta famille. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu veut réécrire une nouvelle histoire dans ta vie. Une nouvelle histoire pour ta famille. Alléluia. Amen. Je ne connais pas l'histoire de ta famille. Je ne sais même pas, si ta famille a une histoire. Je ne connais pas l'histoire de ta vie. Je ne sais même pas si ta vie a une histoire. Mais quand le Seigneur se tourne vers quelqu'un, quand Dieu se tourne vers un homme, bien-aimé, il commence à écrire une nouvelle histoire. Il est possible dans la vie de réécrire une autre histoire. Alléluia. Amen. Il est possible. C'était impossible pour Gédéon. Il ne pouvait jamais imaginer ces choses. Non seulement Gédéon, même Madian, frères et sœurs, non seulement toi-même, même ton environnement, même tes ennemis, ils sont sûrs que c'est ça ton histoire. Oh, ce matin, C'est un matin de bonnes nouvelles. Ton Dieu est venu pour écrire une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire avec toi. Une nouvelle histoire pour ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je me suis levé avec un cantique. Je ne sais pas celui qui le chante pour cet immense bonheur. Quand je me réveillais, c'était le cantique que je chantais. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Alléluia. C'est possible de réécrire une nouvelle histoire. Alors, j'aimerais fixer les choses ce matin. Le feu de mon cœur. Et qu'en quittant ces lieux, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Alléluia. C'est vraiment un jour spécial. La semaine ici, c'est une semaine spéciale. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu va faire. Tu peux réécrire une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire, c'est une nouvelle page. Une nouvelle histoire, c'est une histoire qui ne va pas s'écrire comme la première histoire. Si on parle d'une nouvelle histoire, c'est qu'il y a eu une première histoire. Et maintenant, il y a une seconde histoire. Oh bien aimé, c'est possible dans la vie de commencer une seconde histoire. Et ma prière pour toi est qu'aujourd'hui, cette semaine, tu commences une seconde histoire. Que pas toi qui vas écrire, mais c'est Dieu qui va l'écrire sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, il y a des familles. Nous ne sommes des familles sans histoire. Mais un jour, si tu rencontres cet homme que nous prêchons ce matin, tu peux réécrire une nouvelle histoire dans les termes de Dieu, pas dans les termes des hommes. Oh bien-aimé, quand, là où les hommes diront non, les termes de Dieu seront oui. Là où les termes des hommes diront c'est fini, Dieu dira je commence avec toi. Donc aujourd'hui c'est possible de réécrire une nouvelle histoire. Et c'était ça ma prière toute la semaine pour le culte de ce matin. Il dit, Seigneur, nous sommes fatigués des histoires de nos vies. Pire encore, il y en a qui vivent l'histoire de leurs parents. Bien sûr, porter le nom de ton père, porter le nom de ta mère, ne signifie pas vivre l'histoire de ton père. Oh, c'est pourquoi je prie ce matin. Quelles que soient les difficultés par où sont passés tes parents, porter leur nom ne signifie pas vivre leur histoire. Tu vivras ton histoire à toi avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. L'Éternel se tourna vers Gédéon. Quand est-ce qu'on réécrit une nouvelle histoire? Je vais parler de 3-4 points. Pour que je reste dans le temps. Et nous allons prier. Quand est-ce que je peux réécrire une nouvelle histoire? C'est un moment précis dans la vie. Un jour. Ou je vais même mieux dire en jour et en heure. Où Dieu s'approche de quelqu'un pour changer sa situation en opérant certains miracles. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut faire cette semaine. S'approcher de quelqu'un. Se tourner vers quelqu'un. Prendre la direction de la vie de quelqu'un. Pour opérer des choses qui seront sur les nouvelles pages. Une nouvelle histoire nécessite de nouvelles pages. Les nouvelles pages nécessitent de nouveaux éléments. Les nouveaux éléments viendront des miracles de Dieu. Oh, c'est pourquoi je prie que cette semaine, que Dieu fasse dans ta vie de nouvelles opérations qui feront partie de ta nouvelle histoire. Alléluia. Amen. Cela n'est possible que quand il y a un contact entre le naturel et le surnaturel. C'était impossible que Gédéon vive une nouvelle histoire s'il n'avait pas ce contact avec Dieu. C'était un fouillard. C'était un boulanger. Mais dans la suite, l'histoire de cet homme a changé. Oh bien-aimé, j'aime le Seigneur. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que tu as vécu hier. Ce qui intéresse Dieu, c'est la suite de ta vie. Alors je prie le Seigneur que la suite de ta vie soit différente de ce que tu as vécu hier. Alléluia. Amen. Je vais prier avec mon interprète. Seigneur, merci pour la grâce que tu donnes à mon interprète. Merci parce que tu vas nous mettre en communion avec lui. Pour libérer ta parole, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des exemples dans la Bible de gens qui ont vécu de nouvelles histoires. Jean chapitre 5, verset 1 à 10. Dans Jean chapitre 5, verset 1 à 10, on ne va pas lire, je vais expliquer, on peut mettre quand même le verset. On peut nous mettre ça au tableau. Il s'agit de l'histoire de cet homme à la piscine de Bethesda. Il était là. Les autres recevaient leur miracle. Mais lui, il était comme spectateur. Bien aimé, il arrive de moments dans la vie où tu as l'impression que tu es spectateur. Dans la famille, dans l'église, dans la chorale, au travail, ce qu'on dit des autres, c'est comme des chimères. C'est comme des mirages, c'est comme des mensonges, c'est comme des choses inimaginables. Quelqu'un dit que Dieu m'a béni. Minazala. J'ai eu des enfants. Dieu m'a aidé. Mina pata motoka. J'ai eu un véhicule. C'est comme si on a goûté. Comme si on te chatouille un peu, te motive. Quand on met sur la plaie, en soi, on dit comment? Kama pa kilonda banawe kako kintu. Kutene ka merci. C'est comme si on a kutene ka pa kilonda. Comme si on te chatouille sur la plaie. Tu te dis mais est-ce que c'est moque de moi? On a dit hey, on est checké là ou on est nini? C'était le cas de cet homme. Injoli ko hali ya wimutu. Il était là. Aliku ya pa. Il entendait seulement que quelqu'un est guéri. Quelqu'un est guéri. Il s'est dit, non, ça, peut-être que mon tour viendra. Après une année, il réalise que non, non. Ce n'était, il n'était pas concerné. Et même les gens de la famille qui les soutenaient. Parfois, il y a des bonnes personnes qui nous soutiennent dans des problèmes. Oh, que Dieu bénisse toutes ces personnes-là qui soutiennent les autres quand ils ont des problèmes. Parfois, il y a des bonnes personnes qui soutiennent. Mais après plusieurs années, ces personnes ont dit non, merci. Elles ont commencé à s'échapper une à une. Cet homme est resté seul. Il y a des moments dans ta vie, tu ne sais pas comment tel ou tel ou tel ami a disparu. Tu constates seulement qu'ils ne sont plus là. Tu es même dans une position où tu ne sais pas demander pourquoi vous êtes parti. On a fait face plan avant de lui dire comment. Il s'est retrouvé seul. Avec sa famille. Mais on nous montre aussi qu'il y a des moments aussi, même dans la famille. Les gens sont fatigués. Et il est resté seul. Pendant 38 ans. De toutes les façons, personne ne savait qu'il était là. Personne ne le connaissait. Il était alité pendant 38 ans. Mais je bénis le Seigneur. Oh bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut venir dans la vie de quelqu'un pour écrire une nouvelle histoire. Et je prie le Seigneur ce matin, même si tu es abandonné, même s'il n'y a personne, même si tu es resté seul, même si tu as la maladie la plus grave, ce matin, cette semaine, il y a un contact avec le Seigneur. Tu écriras une nouvelle histoire dans ta vie. Alléluia. Amen. Cet homme était étonné. Un jour, quelqu'un vient vers lui. Oh bien-aimé, oh mpendwa, l'histoire commence un jour. Il y a toujours un jour. Frères et sœurs, il y a un jour. La Bible l'appelle le jour du salut. Il y a un jour. Ne vous moquez pas des autres. Ne vous moquez pas de lui. Ne riez pas en excès. Il y a un jour. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Dieu passera par la vie de cet homme. Et Dieu lui dira, mon fils, lève-toi et marche. Il dit, je n'ai personne. Il dit, oui, c'est bien. J'écris l'histoire pour les gens qui n'ont personne. Oh, ce matin, les gens qui n'ont personne dans leur vie, les gens qui n'ont pas de soutien, les gens qui n'ont pas d'appui, ce sont ces hommes et ces femmes pour lesquels Jéhovah a décidé aujourd'hui d'écrire une nouvelle histoire. Alléluia. Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Quand tu as abandonné, c'est là que Dieu intervient. Vous savez, Dieu n'intervient pas quand il y a des gens qui peuvent t'aider. Parce que tu risques de confondre quelle est la main qui m'a aidé. Tu vas te dire, non, c'est mon argent. Vous savez, parfois Dieu, de toute façon, que quelqu'un qui a l'argent se retrouve au mur. Il essaie avec l'argent, s'en donne pas. Parce que Dieu ne veut pas que tu confondes que c'est ton argent qui te donne l'argent. C'est pourquoi même quand tu as l'argent, je suppose que nous tous là, nous avons l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu as l'argent, laisse le Seigneur au-dessus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des talents. Dieu n'intervient pas. pour éviter la confusion. Vendredi, nous avons dit dans Juges chapitre 7, verset 2. Gédéon a choisi beaucoup de militaires. Tu as dit, ils sont trop nombreux. Il risque de dire, c'est parce qu'on est nombreux qu'on a vaincu Madian. Et la gloire ne va pas me revenir. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que la gloire revient au Seigneur? Est-ce que la gloire revient à Dieu? Est-ce que la gloire revient à Dieu? Est-ce que quand j'ai réussi dans ma vie, c'est la gloire au Seigneur? Quand je suis une bonne femme, quand je suis un bon mari, est-ce que c'est la gloire au Seigneur? Ou bien je dis que moi je sais faire. Moi je sais chanter. Moi je suis intelligent. Il y a un piège dans l'intelligence. Il y a un grand piège dans l'intelligence. Il y a un grand piège dans la connaissance. Il y a un grand piège dans la beauté. Il y a un grand piège dans les moyens. On est à la limite de l'orgueil. On est à la limite. Or Dieu résiste toujours aux gens. Oh, c'est pourquoi tu dois travailler ton cœur. Jésus a visité cet homme qui était abandonné pendant 38 ans. Bien aimé, je prends un deuxième exemple. Dans Luc chapitre 1er, le verset 11, il s'agit de Zacharie qui avait pour femme Élisabeth. Cet homme n'avait jamais eu d'enfant. Il a continué à servir le Seigneur. Mais il y a eu un jour, où Dieu s'est tourné vers lui. La Bible me dit, à partir du verset 11, un jour Zacharie était dans le temple. L'ange de l'Éternel s'est tourné vers Zacharie et lui a dit, tu auras un fils. Zacharie n'a pas compris. Après toutes ces années, l'histoire va changer. Bien-aimé, il était habitué à ne pas avoir d'enfants dans la maison. Tu es habitué à certaines choses dans ta vie. Il y en a qui sont même habitués à la pauvreté. Oh, bien-aimé, ce n'est pas grave. Le jour où Dieu te visitera, toi aussi, tu changeras l'histoire. Alléluia. Amen. C'est possible. C'est possible. C'est possible de changer l'histoire. De changer l'histoire. Frères et sœurs, ceux qui sont nés là, ils ne sont pas spéciaux. Ils ne sont pas spéciaux. Un jour, Dieu les a visités. Ils ont changé l'histoire. Ils ont changé l'histoire. Ce matin, ma prière depuis la nuit, depuis hier, Seigneur, aujourd'hui, le dimanche, la semaine qui commence, réécris une nouvelle histoire avec l'église sous féconde. Réécris une nouvelle histoire avec des frères et des sœurs. Réécris une nouvelle histoire avec moi. Zacharie, c'était impossible d'imaginer qu'un enfant va venir. Même dans leur maison, il n'y avait même plus de chambre pour les enfants. C'était devenu le dépôt. Zacharie se plaisait avec sa femme. Zacharie et servait le Seigneur calmement. Quand l'ange lui dit, tu enfanteras un fils. Écoutez, l'ange lui utilisera le nom de Jean. Mais demandez-moi le verset 61. Toujours Luc 1, 61. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Frères et sœurs, Il y arrivera des moments dans ta vie. Personne ne sera ce que toi tu es. Alléluia. Amen. Personne. Akuna mutu. Personne. Akuna mutu. Personne. Akuna mutu. Tu ne seras Atakuya. Comme personne Atakuya kama mutu mwingine. Dans ta vie. Umaisha yako. Le verset 62. Shaili ya makumi sita na mbili. Toujours Luc chapitre 1, verset 62. Ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on appelle. Zacharie demanda des tablettes. Et il écrivit Jean et son nom. Tous furent dans l'étonnement. Dieu a dit à Zacharie, l'enfant que tu auras va s'appeler Jean. Dans la famille de Zacharie, il n'y avait pas de Jean. Dans la famille de Désiré, il n'y avait pas de premier ministre. Mais un jour, il y en aura un. Dans ta famille, il n'y avait pas de généraux. Mais un jour, il y aura un général. Dans ta famille, il n'y avait pas de président. Mais un jour, il y aura un président. Dans ta famille, il n'y avait pas de chef. Un jour, il y aura un chef. Frères et sœurs, dans ma famille, le plus riche a une moto. Ce n'est pas grave. Mais un jour, il y aura un avec un hélicoptère. C'est possible d'écrire une nouvelle histoire avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais comment ces gens mettent ces choses dans la tête? Vous savez, la vie, elle est ce qu'elle est. Nous la comprenons pas. Nous la comprenons pas. Nous ne la comprenons pas, Brian. J'étais en train de méditer, de prier. Un jour, pour ma première fois, tu sors comme ça. Les militaires disent, garde à vous. Moi, là, qui ne savais rien. Je le salue un à un. Je termine si c'est 5, si c'est 10. Maintenant, quelqu'un à côté me dit, non, on ne les salue jamais. Si il fait ça, toi, tu dis repos. Ce n'est pas grave. Tout ça, c'est rien du tout. Mais il arrivera un jour, dans la vie, toi aussi, tu commenceras une nouvelle histoire. Tu commences une nouvelle histoire. C'est possible. C'est possible avec Dieu. Dieu ne ment jamais. Dieu ne souffre jamais. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple de Marie, la mère de Jésus-Christ. Quand Gabriel s'est tourné vers elle, toujours dans Luc chapitre 1er, Gabriel se tourne vers Marie. Tu auras un fils. Marie dit, comment ça va se faire? Et pendant que je parle, tu regardes ta vie. Tu te dis, comment ça va se faire? Dieu va commencer par où? Là où Dieu va commencer, c'est quand il va se tourner vers toi. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu se tourne vers toi, toi aussi tourne vers toi. Il faut que ce contact soit là. Un moment dans la vie où Dieu se tourne vers toi et où toi tu te tournes vers toi. Oh, bien aimé, ma prière ce matin. Il faut qu'il y ait ce contact-là. Dieu se tourne vers toi. Et tu te tournes vers Dieu. Deuxièmement, pourquoi nous avons besoin du contact avec Dieu? Pour que l'histoire change, il y a d'ici, Badrike. Il faut un contact avec Dieu. Je me limite à ces trois exemples. Ce malade de 38 ans, Zacharie Marie, Zacharie et Maria. Je vais revenir à la fin avec l'exemple de Gédéon, on va terminer. Mais j'aimerais que nous comprenions pourquoi nous avons besoin du contact avec Dieu. Pour que l'histoire change. Jean chapitre 5, verset 19. La Bible nous dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du diable. Même si nous nous sommes de Dieu. Quand on parle du monde, on parle du système qu'on appelle monde. C'est un système. C'est une intelligence qui crée un mode de vie. Ce n'est pas non, aller là-bas, non, bien aimé, ça c'est rien. Quand la Bible parle du monde, il s'agit d'une intelligence qui a créé un système. Parce que le système gère tout. Quand vous avez un ordinateur, vous avez un système. Le système vous donne des fenêtres d'ouverture. Le système vous donne des portes. Le système vous donne de boulevards. Là où il faut marcher. Ce système-là, c'est ça le monde. Il y a une intelligence qui travaille, qui n'est pas de Dieu. C'est ça le monde. Le monde entier est sous la puissance du diable. Ça signifie déjà deux choses. Deux puissances. Il y a la puissance de Dieu. Et il y a la puissance du diable. La puissance du monde, c'est ça la puissance du diable. Ça signifie qu'il y aura des problèmes pour y trouver des solutions. Il n'y a que l'intervention de Dieu. Il n'y a que l'intervention de Dieu seul qui peut apporter la solution. Madian était plus fort qu'Israël. Et Gédéon et Israël, ils ont essayé, mais ils étaient dépassés. C'est au-dessus de leur force. C'est comme toi. Il y a des choses que tu essayes, mais qui sont au-dessus de ta force. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. De Genèse jusqu'à Apocalypse. La Bible en parle. C'est que Dieu est conscient. Moïse a vécu ces choses. Abraham a vécu ces choses. Josué a vécu ces choses. Les juges, tous les sept ont vécu ces choses. Gédéon a vécu ces choses. Même Paul a vécu ces choses. Il dit que je trouve en moi une force supérieure. J'essaye. Ça ne marche pas. Et puis Paul donne très bien la réponse. Pour sortir de cette situation, il faut une délivrance. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, délivre Israël. Il faut une délivrance. Frères et sœurs, la délivrance, c'est une intervention de la puissance de Dieu. Même Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Il a compris qu'il faut une délivrance. Frères et sœurs, il faut une délivrance pour changer l'histoire de quelqu'un. Il faut une délivrance. Ce qui est courbé ne peut pas être redressé s'il n'y a pas un impact extérieur particulier. Et Dieu est prêt. Dieu est prêt. C'est quoi l'objectif de la délivrance? L'objectif de la délivrance, Dieu prend quelqu'un, il le remet sur le chemin de sa destinée. De sa destinée. Parce que le diable l'avait déjà bloqué. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, délivre Israël. Matin avait déjà bloqué Israël. Oh, je prie ce matin, cette semaine, que Dieu t'accorde la délivrance. Et la délivrance n'est possible que si au préalable un contact avec le Seigneur. Soit tu n'as pas d'histoire, soit tu es dans une mauvaise histoire. C'est possible aussi. Être sans histoire ou être dans une mauvaise histoire. Mais ce matin, le Seigneur va nous aider à réécrire une nouvelle histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, je cours parce qu'il faut qu'on prie un peu. Pourquoi Dieu a parlé de la délivrance à Gédéon? Pourquoi Dieu veut ta délivrance? En fait, dans le monde, il y a deux plans. Et même quand tu vis, sache qu'il y a toujours deux plans sur ta vie. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Car je connais Sababu na jua les projets matengenezo que j'ai formés. Ile nilitunga sur vous. Il y a quelqu'un qui a formé. Dans former, il y a la forme. Et quand vous lisez ça, quand quelqu'un forme les projets, c'est-à-dire qu'il a fait un travail. Bien-aimé, c'est la bonne nouvelle. Dieu a fait un travail pour réaliser des projets sur ta vie. Et il dit, ce travail, il est case, ce plan, il est mawazo. Il appelle projet de paix. Tu as droit à la paix. Voilà pourquoi ce matin j'ai voulu dire shalom. Shalom. Tu as droit à la paix. Le projet de bonheur. Matengenezo ya heri. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. L'espérance n'est pas la foi. La foi, c'est que Dieu dit, je le crois, je le possède maintenant. Mais l'espérance, c'est que Dieu dit, même s'il y a des problèmes, ça arrivera. La foi est aujourd'hui. L'espérance est demain. Romains 5, 5. C'est un bon verset. Chaque fois, je dis, quand vous voyez dans la Bible 5, 5, 7, 7, 6, 6, intéressez-vous à ce verset-là. Vous allez voir Matthieu 7, 7, Romains 5, 5. Ce sont des versets intéressants. La Bible dit que l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe jamais. L'espérance ne trompe jamais. Vous savez, avant j'avais peur des avions. Je comprenais chaque fois l'avion à Noé. Vous entrez dedans. On ferme la porte. On vous explique qu'il y a deux endroits là où vous pouvez sauter là derrière, deux endroits où vous pouvez sauter au milieu et deux endroits où vous pouvez sauter devant. Et puis vous volez à 12 km. Quand tu regardes la température à 12 km au-dessus, moins 50 degrés. Et puis tu regardes, vous êtes au-dessus de l'océan Atlantique. Et puis j'ai dit, mais même si je dois sauter, je saute où? J'arrive où? Et puis ça se passe comment? À un moment donné, je commence à avoir du stress. On nous dit une petite zone de turbulence. Je n'aime pas dormir. Mon voisin il dort. Mon voisin dort. 12 heures de vol. Tous nous dormons. Tous dorment. J'essaie de m'occuper. On vient de la Chine. Après une heure, je vois un voisin se réveiller. Il me regarde, mais tu ne dors pas. Je dis, je ne dors pas. Il dit, mais le pilote a dit une petite zone, mais ça fait déjà longtemps. Je dis, c'est pourquoi je ne dors pas. Un deuxième se réveille. Un troisième se réveille. Finalement, nous nous réveillons, nous tous. Et ça se secoue dans tous les sens. Et puis là, je me dis, mais là, je me comporte comment? Oh, je me souviens de cette parole. L'espérance ne trompe pas. Espérons que nous arriverons là où nous partons. Dieu va nous soutenir. Dieu va nous protéger. Et puis on me regarde, tu es pasteur? Je dis, non, je ne suis pas pasteur. Je suis chrétien. Je crois seulement à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit, je vais vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a un deuxième plan. C'est le plan du diable. C'est de te sortir du plan de Dieu. C'est tout ce que le diable fait. Il n'a pas vraiment un plan. Dieu a pour nous à former un plan de paix, d'espérance. Mais le diable, il vient te sortir du plan de Dieu. Il fait tout pour te sortir de ce plan. Non, le plan de Dieu t'amène la paix. Le diable viendra te sortir de la paix. Comment il procède? Tel que Dieu a ses disciples, allez annoncer la bonne nouvelle. Lui aussi a ses disciples, allez annoncer la mauvaise nouvelle. Les sorciers viendront pour te sortir du plan de paix. il te donne un pouvoir qui ne te donne jamais la paix. Il te donne l'argent. Tu as l'argent. Tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas donner ça à tes enfants, à ta femme. Tu ne peux jamais te vêtir en costume. Tu as l'argent. Tu fais que les mauvaises choses. Mais tu as l'argent. Fais ça. Tu n'as pas de paix. Il fait tout pour te sortir du plan. Il peut même envoyer des hommes. Pas seulement les sorciers. Même des hommes. Il vient. Il te donne une parole. Il y a des paroles. Quand tu les reçois, tu oublies même à carré ou un bé carré. Tu oublies tout ce que tu as étudié. Tu reçois une parole. Tu oublies même comment conduire. Un jour, quelqu'un, un ancien nous explique. Il voit quelqu'un sur Mobutu Boulevard, c'est pas à la poste là, je sais pas. La ville s'appelle quoi? Boulevard Mobutu ou Laurent Kabila? Ok. Boulevard Laurent Kabila. À côté de la poste. Quelqu'un il arrive dans une bonne voiture, belle voiture. Il s'arrête. Il descend. Il laisse les portières ouvertes. Il va du côté de Lipamou. Et puis il le voit. Il lui dit, est-ce normal qu'un enfant mange son père? Alors lui ne comprend pas. Oui, il a vu venir. Il dit, mais je ne comprends pas. C'est il dit, non, réponds-moi. Si c'est normal qu'un enfant mange son père. Alors il lui demande pourquoi. Il dit, mon fils vient de m'appeler. Aujourd'hui là, nous allons te manger. Il laisse la voiture. Il descend, il laisse les portes. Donc, il reçoit une nouvelle pour le sortir d'un plan de Dieu. Il oublie ce qu'il est. Il oublie ce qu'il a. Il trouve que c'est l'affaire. Dieu merci. C'est un homme de Dieu qu'il a rencontré. Donc, le plan du diable, c'est de te sortir du plan de Dieu. Oh, fais attention. Dieu a un plan avec toi. Mais l'ennemi veut te sortir du plan de Dieu. Il veut te sortir de la paix. Reçois la paix de Dieu. Il veut te sortir de la joie. Garde la joie que Dieu te donne. Frères et sœurs, quels que soient les problèmes, le plus grand exercice, quand on a des problèmes, c'est ce que la Bible dit dans Proverbes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, c'est écrit que l'argent répond à tout. Mais je ne suis pas sûr que l'argent réponde à tout. Dieu a un plan. Il a un plan. Quand Gédéon a rencontré le Seigneur, j'aimerais comprendre. L'histoire de Gédéon a changé. Quand l'histoire de Gédéon a changé, l'histoire d'Israël a changé. Il y a des familles qui changeront d'histoire seulement quand tu changeras toi ton histoire. Oh bien-aimé, Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un. Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un. Et quand il aura changé ton histoire, tu changeras l'histoire de ta famille. Tu changeras l'histoire de ta famille. Quand tu as rencontré Gédéon, c'est à ce moment-là que même les gens de la ville se sont intéressés à Gédéon. La Bible dit qu'ils ont fait des recherches qui a détruit l'hôtel de Baal. Bien-aimé, il arrivera un moment, les hommes feront des recherches sur toi. Ils ne l'ont pas encore fait. Mais Dieu reste en contact avec Dieu. L'histoire a changé. Madia était étonné que c'était un autre Gédéon. Ce n'est pas celui qui fouillait. Madia était étonné que dans Israël, il y a quelque chose qui a changé. Madia était étonné. Oh, dans Juges 8:28, la Bible me dit, Madia fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. L'histoire a changé. Madia humiliait Israël. Mais c'était le tour d'Israël de prendre la revanche. Oh, le temps est arrivé. Tu as longtemps souffert. C'est le temps de ta revanche. Une autre histoire va commencer avec ta vie. Et la Bible dit, et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Une autre histoire. La première histoire. Mais ce que j'aime, si vous lisez le chapitre 6, verset 1er, la première histoire, c'était une souffrance de 7 ans. Mais la deuxième histoire, c'était une grâce de 40 ans. Je dis à quelqu'un, la nouvelle histoire dépassera la première histoire, et en qualité et en quantité, au nom de Jésus de Nazareth. Tu as souffert pendant 7 ans, tu as eu une mauvaise histoire, le temps est arrivé. Pendant 40 ans tu auras la joie et tu auras le bonheur. Presque 7 fois 7 ou 7 fois 6, 6 fois plus par rapport à ce que tu as perdu. Oh, le Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui, je veux réécrire une nouvelle histoire avec quelqu'un. C'est le temps de réécrire. Je prie le Seigneur avant que le mois de mars ne se termine, que tu commences une nouvelle histoire avec le Seigneur. Mais c'est possible seulement quand il y a un contact. Dieu se tourna vers Gédéon. Et Gédéon s'est tourné vers Dieu. C'est des cas rares. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes en prière. Vous voyez dans une vision comme un homme. Ce qui est merveilleux, c'est que même quand on voit comme un homme, tu as l'impression que tu vois les pieds et le corps. Mais jamais on ne voit la tête. Tu lèves tes yeux, tu ne vois c'est infini. Mais ce jour-là, l'Éternel s'est tourné vers Gédéon. Ma prière ce matin, que Dieu se tourne vers quelqu'un. Que Que Dieu se tourne vers une maison. Que Dieu se tourne vers une vie. Il y a plusieurs hommes qui sont venus. J'ai donc rencontré plusieurs hommes. Mais son histoire n'a pas changé. Toi aussi, tu as rencontré plusieurs hommes. Même Rahab. On n'a pas le temps d'en parler. Elle avait rencontré plusieurs hommes. Même le roi connaissait l'adresse de Rahab. Mais son histoire n'avait pas changé. Ce qui est merveilleux, si ton histoire change, l'histoire de ta famille va changer. On dirait pour sauver une famille. Dieu sauve un homme. Pour sauver le monde. Dieu a besoin d'un homme. Pour sauver une église. Dieu a besoin d'un homme. Pour sauver un pays. Dieu a besoin d'un homme. Une famille. Quand je dis homme, ce n'est pas homme masculin. C'est homme être humain. Oh bien-aimé, ton histoire a fatigué les gens. Comme cet homme pendant 38 ans. Mais le jour où Dieu est arrivé, son histoire a changé. Ton histoire était connue des gens. Que tu es né aveugle. Que vous êtes né tel que vous êtes né dans la famille. Mais le jour où cet aveugle a rencontré Jésus, l'histoire de sa vie a changé. Il y a des contacts qui changent positivement l'histoire. Et le meilleur contact, c'est ce contact avec le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous connaissons un temps de contact. Connaît un temps de contact avec le Seigneur. Parce que ma prière, le Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués dans les familles, dans nos églises, dans les quartiers. Aujourd'hui, tu peux réécrire. Les premières personnes qui étaient étonnées, c'était Madian. Chaque jour, on a piqué tout cato to kalok. Chaque jour, fais que t'appelles les petits enfants. Un jour, quand le kaloka n'a pas ma part, un jour, il dit que non. Il s'est posé beaucoup de questions. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il voit que ce petit-là est revêtu de notre esprit. Oh, ce matin, tu seras revêtu de notre esprit. Parce que la nouvelle histoire s'écrit avec le Saint-Esprit. Si le temps passé ont couvert de honte ta vie, les temps à venir ouvriront des gloires parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oh bien-aimé, à cause de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, pendant que je suis en train de parler, commence à regarder ta relation avec Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, il y a lieu d'écrire une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Avec une nouvelle écriture. Il y a des gens qui ont vu Dieu écrire. Et l'histoire a changé. Je vois le roi de Babylone. Je vois Moïse. Même Daniel. Frères et sœurs, c'était des hommes comme toi et moi. Ce matin, je veux écrire une nouvelle histoire. Tu peux réécrire avec Dieu une nouvelle histoire. Fais confiance au Seigneur. J'aimerais qu'il y ait un contact avec Dieu. Ce contact-là va changer notre vie. Nous avons nos yeux fermés. Pendant ce temps, nous avons nos yeux fermés. Mais parce que le temps est arrivé. Quand est-ce qu'on écrit une histoire? Il s'agit d'un jour, une heure précise où il y a un contact avec Dieu. Maintenant, ne regarde aucun homme. Ni ta femme, ni ton mari. Tes yeux fixés sur le Seigneur. J'aime le psaume 34. Qui dit, ayons les regards fixés sur Jésus. Les regards, pas les yeux. C'est-à-dire que notre cœur, nos pensées, fixées sur Yahweh. Oh, ce matin, que tes regards soient fixés sur Yahweh. Pour entrer en contact avec le Seigneur. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Quand tu tournes les regards, pas les yeux, les regards, les pensées de ton cœur, tes sentiments. Bien-aimé, ce matin, change tes regards. Il y a un contact qui va changer ton histoire. Oh, tes regards sur le Seigneur. Mais sur le temps de contact. On commence à prier. Encore en prière. Toi-même. Seulement les instruments en sourdine. Commence à monter. Sois sûr que tu entres en contact avec le Seigneur. Alléluia. Ton histoire doit changer aujourd'hui. Oh, il y a une histoire de quelqu'un. L'histoire de quelqu'un va changer aujourd'hui. L'histoire de quelqu'un va changer cette semaine. Bien-aimé, commence à prier. Quelle est l'histoire de ta vie? Quelle est l'histoire de votre famille? Ce matin, tu peux réécrire une nouvelle histoire. Il est là, il est là. Monte en prière, coupez la musique. Chacun est en train de prier. Monte en prière. C'est le contact avec Dieu. Il ne dépend pas de la musique. Que ton cœur soit tourné vers le Seigneur. Ce matin, il y a quelqu'un, son histoire va changer. Avant de quitter cette salle, je prie le Seigneur. Jéhovah, tu m'as dit d'annoncer cette parole parce que tu veux changer ce matin l'histoire de quelqu'un, l'histoire d'une vie, l'histoire d'une famille, l'histoire de cette église, l'histoire d'une génération. Tu veux changer. Oui, c'est avec le Saint-Esprit qu'on écrit. Les doigts de Dieu sont dans la salle. Les doigts de Dieu sont dans la salle. Les doigts de Dieu sont dans la salle. Pour toucher la vie de quelqu'un. Les doigts de Dieu sont dans la salle. Même Jésus a parlé des doigts de Dieu. Les doigts de Dieu sont dans la salle. Pharaon a vu les doigts de Dieu. Il n'a pas su interpréter l'histoire d'Israël. Oh, je prie ce matin que les doigts de Dieu se manifestent dans la salle. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les doigts de Dieu pour écrire une nouvelle histoire sur les tables de ta vie. On lira ce que Dieu va écrire. Dieu n'écrit pas en secret. Quand il a écrit, Moïse a montré, on a lu. Oh, alléluia. Oui, monte en prière. Monte encore. Oui, tu pries bien, encore. Alléluia. Oui, il y a déjà des gens sur qui Dieu commence à écrire. Il y a déjà des gens sur qui Dieu commence à écrire. Il y a déjà dans les villes dans lesquelles Dieu commence à écrire. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, alléluia. merci Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, le temps est arrivé. Il y a un jour qui va changer ta vie. Il y a un jour qui change ta vie. Il y a un jour qui change la vie de quelqu'un. Vivre une nouvelle histoire. Il y a des gens qui ont une nouvelle histoire. C'est possible avec le Seigneur. Oh, Salela. Yonzo Pona Yo Yahweh. Yonzo Pona Yo Yonzo Pona. Merci Jésus. Le Seigneur est prêt ce matin. Est-ce que toi aussi tu es prêt? Une nouvelle histoire a ses exigences. Mais le Seigneur est prêt. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. Oh, il est merveilleux. Oh, merci Jésus. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que j'ai. Alléluia. Vit dans mon cœur. Merci pour ta parole. Merci pour ces moments. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement le Seigneur? Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à un très bon moment où nous voulons déposer nos offrandes, nos actions de grâce. Ainsi que nous dîmes. Alléluia.